Chapitre 12. Pendant que la nouvelle du brusque enlèvement de Madame de Morescan par son mari se répandait de salon en sourd chuchotement mêlé de rire, Monsieur de Morescan se jetait lourdement dans son coupé à côté de Jeanne. Dès qu'il n'avait plus eu de témoin, il avait cessé de lui parler de son fils. Ce silence et l'attitude farouche qu'il gardait ne pouvaient plus laisser l'ombre d'une illusion à la malheureuse jeune femme. Elle éprouvait une détresse inexprimable. C'était l'étonnement hébété d'une créature atteinte par la foudre en pleine vie, en plein bonheur, en pleine innocence. L'indignation douloureuse d'une honnête femme publiquement insultée. L'appréhension vague de quelque catastrophe inconnue, prochaine et terrible. Dans ce trouble sans nom, elle demeura muette, attendant qu'il parlât. Elle attendit en vain. Et le trajet, assez court d'ailleurs, de l'avenue Gabriel à l'avenue de l'Alma, se passa sans qu'une parole fût échangée entre eux. Jeanne, cependant, commençait à dégager son âme, naturellement vaillante, du chaos de sentiments où la première surprise l'avait jetée. Elle traversa d'un pas ferme, sous les yeux de trois ou quatre valets immobiles, le grand vestibule sonore de son hôtel et monta l'escalier en silence. Mais quand arrivée sur le palier du premier étage où était son appartement, elle vit que son mari, qui demeurait au-dessus d'elle, s'apprêtait à passer outre et à la quitter. « Pardon, lui dit-elle, veuillez entrer là, j'ai à vous parler. » Il hésita quelques secondes. Comme la plupart des hommes, il n'aimait pas les explications. Mais c'était en réalité un caractère violent plutôt que fort. L'accent calme et résolu de sa femme lui imposa, tout en l'irritant. Il la suivit donc chez elle, mais avec un degré de colère en plus. Elle ferma la porte derrière lui et passa dans le boudoir qui précédait sa chambre à coucher. Se retournant alors et le regardant. « Enfin, dit-elle, mais qu'est-ce qu'il y a ?»« Il y a, dit-il, que je tuerai votre amant demain matin, voilà ce qu'il y a. » Elle joignit les mains avec bruit et continua de le regarder les lèvres entrouvertes comme égarées. « Voilà assez longtemps, reprit-il en jurant et en s'irritant lui-même par la violence de son langage. « Voilà assez longtemps que vous me bravez, que vous m'outragez tous deux, que vous me couvrez de ridicule. Mais ça va finir. »« Vous êtes un malheureux fou, » dit-elle doucement. « Je n'ai pas d'amant. Enfin, mais voyons, mais qu'est-ce que vous voulez dire ?»« Vous allez provoquer Monsieur de Lerne en duel. » « Ah, il n'y a pas à provoquer, » répondit-il avec le même accent de forfanterie grossière. « C'est fait. Nous nous battons demain. » La jeune femme joignit encore les mains et laissa entendre une sourde exclamation de douleur. Son mari parut avoir une sorte de honte de sa brutalité et poursuivit en précipitant ses mots et presque en balbutiant. « Il est bien clair que je n'avais pas l'intention de vous en prévenir. Ça n'entre pas dans mes mœurs. Mais vous l'avez voulu. Vous me forcez la main. Vous me poussez à bout. » C'est lui, d'ailleurs, qui a comblé la mesure ce soir et continué de faire la cour publiquement à la femme quand on se bat le lendemain avec son mari. Enfin, c'est indigne d'un galant homme. C'est ignoble. Monsieur de Lerne, dit Jeanne avec force, ne n'a jamais fait la cour, ni ce soir, ni jamais, enfin, du moins comme vous l'entendez. Votre honneur n'est compromis que par vous-même. Votre duel avec lui serait une folie, une mauvaise action, un crime. Car, je vous le jure et je vous l'atteste devant Dieu, sur la vie de mon fils, il n'a jamais été pour moi qu'un ami. Bien entendu, répliqua Monsieur de Morescan en ricanant. Allons, je crois qu'en voilà assez, même c'est trop. Et il fit quelques pas vers la porte. Elle se jeta devant lui. Non, non, non, je vous en prie, s'écria-t-elle. Je vous en supplie, ne partez pas encore. Oh, si vous saviez ce que c'est pour une femme qui a souffert. Après tout, qui a lutté, qui a été tentée, mais qui enfin est restée honnête, pure et fidèle, de se voir, mais non pas soupçonnée seulement, mais condamnée, châtiée avec ce comble d'injustice et de dureté. Si vous saviez ce qui se passe alors dans sa malheureuse tête. Oh, si vous saviez ce que vous pouvez faire de moi, en ne me sachant gré de rien, en me traitant, imprudente tout au plus, comme si j'étais coupable de tout. « Ah, assez !» répéta-t-il rudement en essayant de se dégager. Elle retint encore en le poussant doucement devant elle d'une main suppliante. Il s'adossa à la cheminée dans une attitude de résignation bourrue. « Vous savez aussi bien que moi, poursuivit-elle, l'histoire de notre pauvre ménage. Oh, vous ne m'avez pas aimé longtemps, mon ami. C'était de ma faute, sans doute. Je ne vous plaisais pas, mes goûts n'étaient pas les vôtres. Tout ce que je faisais, tout ce que j'aimais, vous fâchait, vous ennuyait. Vous m'avez abandonné. Vous êtes allé à vos plaisirs. C'était tout simple. Je sentais que je n'avais rien à dire, puisque je n'avais pas le pouvoir de vous retenir. Mais j'étais bien jeune dans ce temps-là, mon ami, car il y a des années déjà. Et alors oui, j'ai couru des dangers, je vous l'avoue. Seule dans le monde, découragée, énervée, sans soutien, entourée de mauvais exemples, livrée à de mauvais conseils, poursuivie et à demi pervertie par des gens que vous ne soupçonnez guère. Oui, je me suis sentie un moment sans cœur, sans vertu, tout près du mal. Eh bien, c'est l'amitié qui m'a sauvée, cette amitié même dont vous me faites un crime. Monsieur de Lerne a été pour moi un frère, interrompit Monsieur de Morescan avec le même ton d'ironie insultante. Soit, reprit-elle en s'animant, un frère si vous voulez. Enfin, il m'a sauvée, voilà ce qu'il y a de certain. Quand j'allais prendre le goût des plaisirs défendus, il m'a donné ou rendu le goût des plaisirs permis. Et si votre femme n'est pas à l'heure qu'il est une femme galante, c'est peut-être à lui que vous le devez. Et vous voulez le tuer? Mais est-ce juste? Est-ce honnête, voyons? Oh, juste ou non, j'y ferai mon possible, je vous assure. Allons, laissez-moi. Mais grand Dieu, mais quel homme êtes-vous donc si vous ne me croyez pas? Ou alors si, me croyant, vous persistez dans vos desseins de haine et de vengeance? Non, je ne veux pas me lasser de faire appel à votre raison, à votre justice, à votre loyauté. Voyons, je ne voudrais pas vous blesser, Dieu sait, mais dans un ménage comme le nôtre, dans une situation comme la mienne, mais que voulez-vous qu'une jeune femme fasse de son temps, de son cœur, de sa pensée, de sa vie? Vous avez vos maîtresses, laissez-lui au moins ses amis. Et soyez-en sûr, il faut que vous choisissiez entre les amis qu'elle avoue ou les amants qu'elle cache. Ah, ça, décidément, s'écria Monsieur de Morescan. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous me demandez? Prétendez-vous, par hasard, ce serait un peu fort, que j'aille tendre la main à Monsieur de Lerne, lui faire des excuses, et le prier de vouloir bien reprendre ses relations avec vous? Oui, dit-elle avec énergie, c'est cela même que je vous demande. Excuse à part, bien entendu. Et en vous demandant cela, je vous demande une chose absolument juste, honorable et sensée. Car en réalité, c'est le seul moyen que vous ayez de réparer le tort que vous avez fait à votre honneur et au mien. C'est le seul moyen de faire tomber les calomnies qui ont pu courir dans le monde, auxquelles votre conduite ce soir a donné plus de vraisemblance, hélas, et dont ce duel serait l'irréparable consécration. Si vous avez le courage de rendre vous-même justice à votre femme innocente, la vérité a bien de la puissance, allez, on vous croira. Et pour moi, mon ami, si vous saviez combien je serais touchée, reconnaissante, comme je vous le prouverai en respectant pieusement dans l'avenir des susceptibilités que j'ai peut-être un peu trop ménagées, c'est possible. Et qui sait enfin si cette action généreuse ne serait pas entre vous et moi un lien tout nouveau? Éprouvés tous deux par la vie, mieux instruits par l'expérience, par la douleur, qui sait si nos cœurs ne se rapprocheraient pas? Qui sait, allez? Cela ne dépendra que de vous, je vous assure. Si vous ne deviendriez pas vous-même, pour moi, ce que vous auriez toujours dû l'être, mon meilleur, mon seul ami. Ah, tout cela est fort beau, sans doute, dit Monsieur de Morescan en se rengorgeant dans sa cravate. Mais c'est du pur roman, toujours ce misérable esprit romanesque qui vous perd toute. Oh, mon Dieu, reprit la jeune femme dont les larmes ruisselaient. Eh bien quoi? Que voulez-vous vous-même? Continua-t-elle avec exaltation en se tordant les mains. Mais voyons, qu'exigez-vous? Que je ne reçoive plus Monsieur de Lerne? Que je ne le vois plus? Que je ne lui parle plus jamais? Que je vous sacrifie cette amitié et toutes celles que j'aurais pu avoir dans l'avenir? Oh, soit, je vous le promets, je m'y engage, je vivrai seule, je vivrai comme je pourrai. D'ailleurs, mon fils va grandir, je m'occuperai de lui. Il sera mon ami, cet enfant. Oui, je sens que c'est possible, je vous le jure, et je tiendrai ma parole. Mais de grâce, mon ami, ne donnez pas suite à ce duel. Il n'a pas de cause, pas de raison. C'est une chose monstrueuse, je vous assure. Oh, tenez, je vous en supplie à genoux. » Elle se jeta à ses pieds, éperdue et sanglotante. « Oh, je vous en supplie, à main jointe, de tout mon cœur et de toutes mes larmes. Oh, soyez bon, je vous en prie. Laissez-vous toucher, ne me désespérez pas. » « Allons !» s'écria M. de Morescan en la repoussant. « C'est du mélodrame, maintenant !» Elle se dressa sur ses genoux, essuya vivement ses yeux, et lui saisissant les deux mains d'une étreinte violente. « Oh, malheureux !» lui dit-elle d'une voix sourde. « Vous ne savez pas ce que vous faites. Oh non, non, vous ne le savez pas. Je ne vous dirai pas que vous me tuez. Ce serait trop peu dire. Vous me damnez. » Et lui lâchant brusquement les mains. Vous pouvez vous en aller. Adieu. Monsieur de Morescan sortit. Après le départ de son mari, la jeune femme demeura quelques moments affaissée et comme écrasée sur le tapis, les cheveux à demi dénoués, l'œil fixe et sec, agitant la main par intervalles d'un geste égaré. Elle fut tirée de son accablement par quelques coups légers frappés à la porte du salon. Elle se leva aussitôt. Sa femme de chambre parut. « Madame, dit-elle, c'est Madame la comtesse de Lerne qui est en bas et qui demande si elle peut dire deux mots à Madame la baronne. »« Madame de Lerne ?»« Oui, madame. Dois-je dire que madame est souffrante ?»« Madame n'a pas l'air bien. »« Faites monter. » L'instant d'après, la comtesse de Lerne entra, livide, les yeux hagards, toutes les lignes du visage creusées et convulsées. Sans remarquer d'abord l'extrême désordre où elle trouvait Jeanne, elle marcha sur elle du pas raide d'un spectre et lui dit dans les yeux. « Votre mari se bat demain avec mon fils. »« Je le sais, répondit Jeanne, il vient de me le dire. »« Ah, reprit amèrement la vieille dame, il vient de vous le dire ? C'est le fait d'un misérable. » « Oui, dit Jeanne. Mais vous, comment le savez-vous ? » « Par Louis, le vieux domestique de mon fils. Il s'est douté de quelque chose tantôt, et il a entendu tous les arrangements des témoins. »« Et vous le savez, madame, reprit Jeanne, qu'il n'y a rien de mal entre votre fils et moi. » À dire vrai, ce fut une nouvelle pour la vieille comtesse, et dans le trouble du moment, elle ne put dissimuler une sorte de surprise naïve. « Mais alors, dit-elle, il n'y a pas de preuve ?» « Preuve de quoi ? Dit Jeanne, puisqu'il n'y a rien. »« Et votre mari n'a pas voulu vous croire ? » ?»« Non. »« Alors, rien à espérer ? » ?»« Oh, rien. » Madame de Lerne se laissa tomber dans un fauteuil et y resta immobile, muette, inerte. Après un silence, Jeanne, qui marchait à travers le salon, s'arrêta devant elle. « Il est chez vous, votre fils ? » ?»« Oui. » »« Votre voiture est en bas ?» reprit Jeanne. « Eh bien, partons, je vais avec vous, je veux le voir. » Tout en parlant, elle jetait un voile sur sa tête et se drapait dans ses fourrures. Madame de Lerne s'était levée, incertaine. « Est-ce sage ? » dit-elle. « Mais que voulez-vous qu'il arrive de pis ? » dit Jeanne avec un geste de suprême insouciance, et elle l'entraîna. Madame de Lerne demeurait avenue Montaigne. Ce fut donc l'affaire d'un instant. Chemin faisant, elle rendit compte à Jeanne, en paroles entrecoupées, de tout ce qu'elle savait, de la cause apparente du duel, du nom des témoins, de l'arme choisie, de l'heure et du lieu de la rencontre. Il était environ 1 heure du matin et Jacques achevait ses dernières dispositions, quand il eut la stupeur de voir la porte de sa bibliothèque s'ouvrir brusquement et donner passage à Madame de Morescan. « Oh, mon Dieu ! S'écria-t-il, vous ? « Est-ce possible ?»« Oui, nous avons tout appris, votre mère et moi, » dit Jeanne haletante, « et je suis venue. J'ai voulu venir. Me voilà. »« Ma mère aussi, » murmura-t-il. « Ah, quel ennui, quel chagrin ! Mais ma pauvre chère amie, mais que venez-vous faire ici ? Vous vous perdez ?»« Je sais bien, » dit-elle douloureusement, se laissant tomber sur une chaise, « mais j'ai voulu vous voir encore. » Elle sanglotait. « Ma chère dame,